qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué.